Le Robinson Suisse de Johann David Wyss, tome 2. Chapitre 1. Second hiver. Comme nous attendions d'un moment à l'autre le commencement de notre second hiver, nous profitâmes de chaque minute de beau temps pour faire provision de tout ce qui pouvait nous être utile, graines, fruits, pommes de terre, riz, goyaves, pommes de pin, manioc. Nous confiâmes aussi à la terre toutes les graines et toutes les semences d'Europe que nous avions en notre possession, afin que la pluie les fît lever. L'horizon se couvrit de nuages noirs et épais. De temps en temps, nous recevions des ondées qui nous faisaient hâter nos travaux. Nous étions effrayés d'éclairs et de coups de tonnerre continuels que répétaient les échos de nos montagnes. La mer elle-même avait pris sa place dans ce bouleversement de la nature. Elle semblait, dans ses fréquentes commotions, s'élancer jusqu'au ciel ou engloutir notre modeste réduit. La nature entière était en confusion. Les cataractes du ciel s'ouvrirent même plus tôt que je ne m'y attendais, et nous nous enfermâmes pour 12 longues semaines dans notre grotte. Les premiers moments de notre réclusion furent tristes. La pluie tombait avec une désespérante uniformité. Mais nous nous résignâmes enfin. Nous n'avions avec nous dans la grotte que la vache à cause de son lait, le jeune ânon Sturm et l'onagre comme coureurs. Nous avions laissé à Falkenhorst nos moutons, nos cochons et nos chèvres, où ils étaient à l'abri et avaient du fourrage en abondance. Du reste, on allait chaque jour leur porter quelque chose. Les chiens, l'aigle, le chacal, le singe, dont la société devait nous égayer durant cette prison, nous avaient aussi suivis. Les premiers jours furent donnés à améliorer notre intérieur. La grotte n'avait que 4 ouvertures en comptant la porte. Les appartements de mes fils et tout le fond de l'habitation restaient constamment plongés dans une obscurité profonde. Nous avions pratiqué, il est vrai, dans les cloisons intermédiaires, des ouvertures que nous fermions avec des châssis à jour ou des toiles minces. Mais le jour était si obscurci qu'il parvenait à peine au milieu de la grotte. Il fallait éclairer l'appartement. Voici comme j'y parvins. Il me restait un gros bambou qui se trouvait par hasard être de la hauteur de la voûte. Je le dressai et l'enfonçai en terre d'environ un pied. Puis, faisant appel à l'agilité de Jack, je le fis monter jusqu'en haut, muni d'une poulie, d'une corde et d'un marteau. Je lui fis enfoncer dans le rocher la poulie, puis passer la corde par-dessus, et je suspendis à la corde une grosse lanterne prise au vaisseau. Franz et ma femme furent chargées de l'entretenir, et quand elle était allumée au milieu de l'appartement, elle faisait le meilleur effet. Ernest et Franz rangèrent alors la bibliothèque. Ils mirent en ordre les instruments et les livres que nous avions recueillis sur le vaisseau, et je pris Fritz avec moi pour établir la chambre de travail. Nous établîmes ensuite un tour près de la fenêtre, et j'y suspendis tous les instruments qui pouvaient m'être utiles. Nous construisîmes même une forge. Les enclumes furent dressées, tous les outils de charron, de tonnelier que nous étions parvenus à sauver, furent posés sur des planches. Les clous, les vis, les tenailles, les marteaux, etc., tout eut sa place et fut rangé de manière à pouvoir être facilement retrouvé au besoin et avec un ordre extrême. J'étais heureux de pouvoir ainsi tenir en haleine mes enfants par ces travaux multipliés. Les caisses que nous avions recueillies contenaient beaucoup de livres en plusieurs langues. Il s'y trouvait des ouvrages d'histoire naturelle, des voyages, dont quelques-uns étaient enrichis de gravures. Cette variété nous inspira le désir de cultiver les langues que nous savions et d'apprendre celles que nous ne savions pas. Fritz et Ernest savaient un peu d'anglais, ma femme quelques mots de hollandais. Jack s'appliqua à apprendre l'espagnol et l'italien, moi le malais, car la position où je nous supposais me faisait croire que nous pourrions être d'un jour à l'autre en relation avec des malais. Dans tous ces exercices d'intelligence, Ernest était le premier, et il y portait une telle ardeur que nous étions souvent obligés de l'arracher à l'étude. Nous avions encore beaucoup d'autres objets de luxe dont je n'ai pas parlé, tels que commode, secrétaire et un superbe chronomètre, ce qui faisait de notre demeure un véritable palais, ainsi que l'appelaient mes enfants. Nous résolûmes alors de changer son nom. La tante n'y jouait plus un assez grand rôle pour lui conserver celui de Zeltaïm. Après bien des hésitations et des contestations, nous adoptâmes simplement le nom de Felsenheim, maison du rocher. Chapitre 2. Première sortie après les pluies. La baleine, le corail. Vers la fin du mois d'août, lorsque je croyais l'hiver presque terminé, il y eut quelques jours d'un temps épouvantable. La pluie, les vents, le tonnerre, les éclairs parurent augmenter de violence. L'océan inonda le rivage et resta agité d'une manière effrayante. Ô combien alors nous fûmes joyeux d'avoir construit cette solide habitation de Felsenheim. Le château d'arbres de Falkenhorst n'aurait jamais résisté aux éléments déchaînés contre nous. Enfin, le ciel devint peu à peu serein. Les ouragans s'apaisèrent et nous pûmes sortir de la grotte. Nous remarquâmes avec étonnement les piquants contrastes de la nature qui renaissaient au milieu de toutes les traces encore récentes de dévastation. Fritz, toujours au guet et dont l'œil aurait presque rivalisé avec celui de l'aigle, s'était élevé sur un pic d'où il aperçut bien loin, dans la baie du Flamand, un point noir dont il ne put préciser la forme. Et après l'avoir considéré avec beaucoup d'attention, il m'affirma que c'était une barque échouée à fleur d'eau. Quoique muni de ma lorgnette, je ne pus voir assez distinctement cet objet pour dire quelle en était la nature. Il nous prit fantaisie d'aller visiter cette masse. Nous vidâmes l'eau dont la pluie avait inondé notre chaloupe, nous y mîmes tous les agrès nécessaires, et je résolus d'aller le jour suivant, accompagné de Fritz, de Jack et d'Ernest, reconnaître ce que la mer nous apportait de nouveau. À mesure que nous avancions, les conjectures se succédaient et se croisaient plus rapidement. L'un croyait voir une chaloupe, l'autre un lion marin. Il affirmait même apercevoir ses défenses. Quant à moi, j'opinais pour une baleine, et à mesure que nous avancions, je me confirmai dans cette idée. Nous ne pûmes cependant approcher du monstre échoué, car un banc de sable s'élevait dans cet endroit de la mer et les flots, encore agités, étaient trop dangereux pour nous hasarder sur cette plage. En conséquence, nous tournâmes le petit îlot sur lequel la baleine était étendue et nous abordâmes dans une petite anse à peu de distance. Nous remarquâmes, en côtoyant ainsi, que l'îlot était formé de terre végétale qu'un peu de culture pourrait améliorer. Dans sa plus grande largeur, sans y comprendre le banc de sable, cet îlot pouvait avoir 10 à 12 minutes de chemin. Mais il ne semblait pas être séparé du banc, et son étendue en paraissait doublée. Il était couvert d'oiseaux marins de toute espèce, dont nous rencontrions à chaque pas les œufs ou les petits. Nous en recueillîmes quelques-uns, afin de ne pas rentrer les mains vides auprès de la mer. Nous pouvions suivre deux chemins différents pour arriver à la baleine. L'un désert, mais interrompu par de nombreuses inégalités de terrain, qui le rendaient excessivement pénible. L'autre, en côtoyant la rive, était plus long et plus agréable. Je pris le premier, mes enfants suivirent l'autre. Je voulais connaître et examiner l'intérieur de l'île. Quand je fus au plus haut point, j'embrassai du regard le terrain semé d'épais bouquets d'arbres. À environ 200 pas de moi, j'apercevais cette mer grondante qui se brisait sur le sable et qui m'avait effrayé, mais à 10 à 15 pas de l'extrême rive de l'îlot. J'examinai alors la baleine, qui était de l'espèce qu'on appelle communément du Groenland. Je jetai ensuite un coup d'œil vers Falkenhorst, Felsenheim et nos côtes chéries. Puis faisant un coude, je me dirigeai vers mes enfants qui m'eurent bientôt rejoint en poussant des cris de joie. Ils s'étaient arrêtés à moitié chemin pour ramasser des coquillages, des moules et des coraux, et chacun en avait presque rempli son chapeau. « Ah, papa !» s'écrièrent-ils. « Voyez donc quelle belle et riche provision de coquilles et de coraux nous avons trouvée. Qui donc a pu les apporter ici ?» Moi, c'est la tempête qui vient de soulever les flots et qui aura arraché ces coquillages de leur poste habituel. Au reste, la force des flots n'est-elle pas immense puisqu'ils ont apporté une aussi énorme masse que celle-ci? Fritz, Ah oui, cet animal était énorme. De loin, je n'aurais jamais cru qu'une baleine fût aussi grosse. N'allons-nous pas chercher à en tirer parti? Ernest. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a de curieux à voir? Cette bête n'offre rien de beau. J'aime mieux mes coquillages. Voyez, mon père, j'ai là deux belles porcelaines. Jack. Et moi, trois magnifiques galères. Fritz. Et moi, une grande huître à perles, mais elle est un peu brisée. Moi. Oui, mes enfants, vous avez là de beaux trésors qui, en Europe, feraient l'ornement de plus d'un musée. Mais ici, les objets curieux doivent le céder aux objets utiles. Ramassez vos coquillages et hâtons-nous de revenir au bateau. Dans l'après-midi, lorsque le flot pourra nous aider à approcher de l'îlot, nous reviendrons et nous tâcherons d'utiliser le monstre que la Providence nous a envoyé. Les enfants furent bientôt prêts. Seulement je remarquai qu'Ernest ne nous suivait qu'à regret. Je voulus en connaître la raison, et il me pria de l'abandonner seul sur cet îlot où il voulait vivre comme un autre Robinson. Cette pensée romanesque me fit sourire. « Remercie le ciel, lui dis-je, de ne t'avoir pas séparé de parents et de frères qui t'aiment. La misère, les privations de toute espèce, l'ennui mortel, tel est l'état d'un Robinson quand il ne devient pas dès les premiers jours la proie des bêtes féroces ou de la famine. La vie de Robinson n'est belle que dans les livres. Elle est affreuse en réalité. Dieu a créé l'homme pour vivre dans la société de ses semblables. Nous sommes six dans notre île. Et cependant, combien n'avons-nous pas souvent de peine à nous procurer les choses indispensables à notre existence ? Nous atteignîmes le bateau et nous partîmes avec joie, y compris Ernest, que j'avais convaincu. Mais nos petits rameurs se lassèrent bientôt et ils me demandèrent si je ne pourrais pas épargner ce travail à leurs bras. Je me mis à rire et leur dis « Eh, mes enfants, si vous pouvez me procurer seulement une grande roue de fer avec un essieu, j'essaierai de satisfaire votre désir. » Fritz, une roue de fer? Il y en a une magnifique dans notre cuisine. Elle appartenait à un tournebroche et je vous la procurerai facilement, pourvu que ma mère ne s'en serve point. Moi, je verrai ce que je pourrai faire, mais maintenant, enfants, redoublez de bras et luttez courageusement contre les flots jusqu'à ce que la pirogue puisse marcher sans vous fatiguer. » Fritz voulut alors savoir à quel règne appartenait le corail. « Car j'ai lu quelque part, me dit-il, que c'est une espèce de ver. » Moi, le corail se forme par l'agglomération des cellules de petits polypes qui vivent en familles nombreuses. Ils bâtissent leurs cellules l'une contre l'autre et forment ainsi des couches qui ressemblent aux branches d'un arbre. Ernest. Mais ces arbres n'ont jamais plus de 2 à 3 pieds. Moi, il est merveilleux de voir comment la nature sait produire des choses immenses avec de petites causes. Le travail de ces petits insectes donne pour résultat, au bout de longues années, des rochers énormes qui interceptent la navigation et qui sont fort dangereux pour les navires quand ils sont à fleur d'eau. Tandis que nous parlions, il s'éleva une petite brise dont nous nous hâtâmes de profiter et nous arrivâmes au rivage. Nos enfants racontèrent tout ce qu'ils avaient vu et fait, et leurs coquillages firent l'admiration de Franz. Mais quand j'annonçai mon projet de retourner le soir même à l'îlot, ma femme déclara qu'elle voulait partager les périls de l'expédition. J'approuvai son idée, et je lui dis de préparer de l'eau et des provisions pour 2 jours, car la mer est un maître capricieux, elle pourrait fort bien nous forcer à rester sur l'îlot plus de temps que nous n'en avions le dessein. Chapitre 3. D'épaissement de la baleine. Aussitôt après le dîner, auquel nous avions mis moins de temps que de coutume, nous nous préparâmes à retourner à l'îlot. Mais auparavant, je m'occupai à trouver des tonneaux pour contenir la graisse de la baleine. Je ne voulais pas prendre pour cela des tonnes vides que nous pouvions avoir, car je savais qu'elles conservaient une odeur infecte. Cependant, cette graisse m'était utile pour alimenter d'huile les grandes lanternes qui nous éclairaient dans la grotte. Ma femme me rappela enfin que nous avions encore 4 cuves de notre bateau qui se trouvaient dans l'eau en attendant emploi. Mes enfants les nettoyèrent et après nous être armés de couteaux, de haches, de scie et de tous les instruments tranchants dont nous devions avoir besoin, nous levâmes l'ancre traînant les cuves à la remorque. Nous partîmes bien plus lentement que le matin et au bruit des soupirs et des lamentations des rameurs. Mais comme la mer était fort élevée et tranquille, nous pûmes aborder presque à côté de la baleine. Mon premier soin fut d'abriter la pirogue et les cuves pour le moment où les vagues redeviendraient furieuses. Ma femme resta étonnée et Franz, qui se trouvait pour la première fois en présence du monstre, en fut si effrayé qu'il était sur le point de pleurer. En la mesurant approximativement, je trouvai qu'elle pouvait avoir 60 à 70 pieds de long sur 35 pieds d'épaisseur dans le milieu et pouvait peser 60 milliers de livres. Elle n'avait encore atteint que la moitié de la taille ordinaire à cette espèce. Nous admirâmes les énormes proportions de sa tête et la petitesse de ses yeux semblables à ceux du bœuf. Mais ce qu'il y avait de plus étonnant, c'était ses mâchoires avec ses rangées de barbe qu'on nomme fanons et qui n'avaient pas moins de 10 à 12 pieds. Ce sont ces fanons que les Européens emploient sous le nom de baleines. Comme ils devaient être pour nous d'une grande utilité, je me promis bien de ne pas les négliger. La langue, épaisse, pouvait peser 1 millier. Fritz s'étonna de la petitesse du gosier du monstre, dont l'ouverture était à peine de la force de mon bras. « Aussi, s'écria-t-il, la baleine ne doit pas se nourrir de gros poissons, ainsi qu'on pourrait le croire à sa taille. »« Tu as raison, lui répondis-je, elle ne se nourrit que de petits poissons, parmi lesquels il y en a une espèce qui se trouve dans les mers du pôle et qu'elle préfère. Elle en avale d'immenses quantités, noyées dans beaucoup d'eau de mer. Mais cette eau sort en jet par 2 trous qui sont placés au-dessus de la tête, ou bien encore s'écoule à travers les barbes ou fanons. Mais, ajoutai-je, à l'ouvrage, et vite, si nous voulons tirer parti de notre Léviathan avant la nuit. Fritz et Jack s'élancèrent aussitôt sur la queue, et de là, sur le dos de la baleine, parvinrent ainsi jusqu'à la tête, puis à l'aide de la hache et de la scie, ils se mirent à détacher les fanons que je retirai d'en bas. Nous en comptâmes jusqu'à 600 de diverses grosseurs, mais nous ne prîmes que les plus beaux, environ 100 à 120. Nous ne restâmes pas longtemps tranquilles. L'air se remplit d'oiseaux de toute espèce, dont le cercle se resserrait de plus en plus autour de nous. D'abord, ils n'avaient fait que voltiger au-dessus de nos têtes. Puis, quand leur nombre se fut accru, ils s'approchèrent et vinrent saisir les morceaux jusque dans nos mains, jusque sous les coups de nos haches. Ces oiseaux nous tentaient peu, cependant nous en tuâmes quelques-uns, car ma femme m'avait fait observer que leurs plumes et leurs duvets pourraient nous servir. Je laissai Fritz tirer seul les fanons de la bouche de l'animal, et je me mis en devoir d'enlever sur son dos une longue et large bande de peau que je destinais à faire des harnais pour les buffles et des chaussures pour nous. J'eus beaucoup de peine, car le cuir de la baleine avait près 1 pouce d'épaisseur. Cependant, je réussis assez bien. Nous enlevâmes à la queue quelques morceaux de chair et de lard. Comme la mer approchait rapidement, nous fîmes les préparatifs du départ. Cependant, j'eus le temps de couper un morceau de la langue que j'avais entendu vanter comme un excellent manger et donnant une huile excellente. Tout fut embarqué avec soin et nous nous hâtâmes de regagner nos côtes bien-aimées après lesquelles nous soupirions. Notre ardeur augmenta bientôt. À peine étions-nous en pleine mer que l'odeur qui se dégageait des tonnes nous saisit au nez avec une telle force que nous ne savions comment nous y soustraire. Nous arrivâmes enfin au milieu des lamentations les plus risibles et tous nos bestiaux furent aussitôt employés à transporter les produits de cette première journée. Le lendemain matin de bonne heure, nous montâmes de nouveau dans la pirogue, mais Franz et ma femme restèrent à terre parce que les travaux que je projetais eussent été vraisemblablement trop dégoûtants pour eux. Un vent frais nous porta assez vite à l'îlot, et nous trouvâmes notre baleine dévorée par une nuée de mouettes et autres oiseaux de mer qui s'étaient abattus sur elle. Il fallut leur tirer quelques coups pour s'en débarrasser, car leurs cris assourdissants nous déchiraient les oreilles. Nous eûmes soin, avant de nous mettre à l'œuvre, de nous dépouiller de nos vestes et de nos chemises. Nous revêtîmes des espèces de casaques préparées exprès et nous attaquâmes les flancs de l'animal. Parvenus aux intestins, je les coupai en morceaux de 6 à 15 pieds. Je les fis nettoyer et quand ils furent bien lavés à l'eau de mer et frottés de sable jusqu'à ce que la pellicule intérieure fût enlevée, nous les plaçâmes dans le bateau. Après avoir renouvelé notre provision de lard, comme le soleil commençait à baisser, nous fûmes forcés de quitter notre proie pour retourner au rivage et nous partîmes, abandonnant le reste de la baleine aux oiseaux voraces. Nous soupirions d'ailleurs après un bon repas et une boisson fraîche, ce dont nous avions été privés toute la journée. Nous ramassâmes quelques beaux coquillages pour notre musée, entre autres un nautile, et nous nous embarquâmes. « Pourquoi donc, mon père, avez-vous pris ces boyaux ?» me demandèrent mes enfants pendant le voyage. « À quoi les destinez-vous ?»« Le grand moteur de l'industrie humaine, leur dis-je, le besoin a enseigné aux peuplades des contrées privées de bois, telles que les Groenlandais, les Samoyèdes et les Esquimaux, à y suppléer et à convertir les boyaux d'une baleine en tonne. Ils savent aussi trouver dans cet animal leur nourriture et même leur nacelle, tandis que nos besoins ne nous permettent d'apprécier que l'huile de ce poisson. On me demanda pourquoi nous, qui avions du bois et des tonnes à notre disposition, nous avions entrepris une besogne aussi dégoûtante. Je fis observer alors que mes tonnes auraient conservé une mauvaise odeur. En causant ainsi, nous atteignîmes le rivage où la bonne mère nous attendait. « Grand Dieu ! » s'écria-t-elle. « Comment osez-vous vous présenter dans un pareil état ? Allez laver vos vêtements et portez ailleurs votre cargaison. »« Calme-toi, ma chère, lui dis-je, et reçois-nous comme si nous te rapportions les meilleurs fruits, car dans notre position, ce sont des richesses précieuses. » Elle nous laissa aborder, et le repas qu'elle nous avait préparé nous fit oublier les occupations de la journée. Chapitre 4. L'huile de baleine, visite à la métairie, la tortue géante. Le jour paraissait à peine que nous étions sur pied et prêts à convertir en huile notre lard. D'abord, nous sortîmes nos outres de la cuisine et nous les mîmes sécher au soleil. Nous plaçâmes sur la claie les 4 tonnes pleines et nous leur fîmes subir une forte pression à l'aide de pierres et de leviers pour en faire sortir la partie de l'huile la plus fine et la plus pure. Nous la passâmes dans un drap grossier et nous la versâmes avec une grande cuillère en fer qui était primitivement destinée au service d'une sucrerie, dans les tonnes et dans les outres. Le reste du lard fut coupé en morceaux et jeté dans une grande marmite de fonte posée sur le feu assez loin de l'habitation que je ne voulais pas empester. Quant à mes boyaux, j'en gardai 2 longs morceaux, je les enduisis de caoutchouc en dedans et en dehors et je les destinai à me faire un kayak groenlandais pour naviguer sur la mer. Ce qui restait du lard après notre opération fut jeté dans la rivière des Chacals, où nos oies et nos canards s'en régalèrent. Nous profitâmes alors d'une autre circonstance pour renouveler notre provision d'écrevisses. Ma femme avait eu soin de dépouiller de leur duvet les oiseaux que nous avions pris le matin dans l'îlot, mais leur chair était à un mets trop fade et trop grossier, et nous l'abandonnâmes volontiers aux habitants du fleuve. Les écrevisses se jetèrent dessus, comme autrefois sur le chacal, et nous pûmes en prendre de grandes quantités. Lorsqu'enfin notre fonderie fut terminée et que nous nous préparâmes à reprendre nos travaux accoutumés, ma femme me fit une observation. « Ne vaudrait-il pas mieux, dit-elle, fondre votre lard dans l'îlot de la baleine au lieu de la porter ici, où vous avez à craindre à tout moment d'incendier une partie de notre territoire ? Cet îlot est à portée de Felsenheim et nous pourrions y demeurer quelque temps, sans cesser de veiller à ce qui se passe ici. Ce serait un atelier commode et presque sous nos yeux. Nous pourrions aussi en faire une colonie de volailles. Là, du moins, elles n'auraient rien à craindre ni des singes, ni des chacals, leurs plus grands ennemis. Quant aux oiseaux de mer, ils nous céderont volontiers la place. » Le projet de ma femme me plut beaucoup, et mes jeunes enfants l'accueillirent si bien qu'ils voulaient sauter aussitôt dans le bateau. J'en retardai l'exécution jusqu'au moment où les flots et les oiseaux nous auraient débarrassés du cadavre de la baleine qui pouvait nous infecter. J'annonçai que je voulais, auparavant, remplacer les rames si rudes et si lourdes de la pirogue par une machine plus facile à manier. J'allai examiner le tournebroche de Fritz et j'en trouvai 2 au lieu d'1. Je pris le plus grand et le plus fort parce qu'il pouvait mieux répondre à mon attente. Je commençai par étendre sur la pirogue un arbre en fer quadrangulaire qui dépassait à chaque extrémité d'1 pied environ. Au milieu, j'ajoutai un ressort, également à quatre faces, et j'arrondis mon arbre au point où il était en contact avec les bords pour l'empêcher de les endommager. Aux deux bouts, je fixai un moyeu où je fichai quatre raies, mais plats comme des rames et non pas ronds comme ceux d'une roue ordinaire. Mon tournebroche fut adapté derrière le mât, de manière que l'un des poids descendit jusqu'à la moitié des parois du bateau, tandis que l'autre s'élevait et faisait mouvoir la roue. Cette roue fut mise en contact avec les quatre ressorts de l'arbre, de manière à les chasser successivement et à faire par conséquent tourner l'arbre sur lui-même et mes quatre palettes qui venaient l'une après l'autre frapper la surface de l'eau et poussaient le bateau en avant. Pour diminuer la pesanteur de mes raies et donner plus d'action à mon tournebroche, je les fis en fanon de baleine. Il est vrai que le bateau n'allait pas bien vite et que toutes les 15 à 20 minutes, il fallait changer les poids du tournebroche. Mais enfin, notre bateau marchait et nous pouvions rester les bras croisés assez de temps pour nous ôter la fatigue des rames. Je n'essaierai pas de décrire la joie et les transports qui éclatèrent parmi nos petits fous, les sauts et les danses qu'ils firent sur le rivage quand Fritz et moi nous essayâmes la machine dans la baie du Salut. Nous eûmes à peine touché terre qu'ils voulurent tous sauter dans la barque pour tenter une excursion à l'îlot de la Baleine. Mais comme le jour était trop avancé, je le défendis et je promis que le lendemain, pour mieux essayer la machine, nous nous rendrions par eau à la métairie de Prospect Hill pour prendre quelques-uns de nos animaux européens et les conduire à l'îlot. Ma proposition fut accueillie avec une grande joie. En vue de ce voyage, on prépara des armes, des provisions et l'on se coucha de bonne heure afin de partir plus tôt le lendemain matin. Au premier rayon du jour, tout le monde était sur pied. Ma femme avait eu soin de préparer la veille le morceau de langue de baleine. Elle le plaça dans une double enveloppe de feuilles fraîches. Elle devait, cette fois, ainsi que Franz, nous accompagner. Nous quittâmes gaiement Felsenheim. Je conduisis la barque à l'embouchure de la rivière des Chacals, qui nous porta rapidement en pleine mer, où heureusement le vent n'était ni violent ni contraire. Nous laissâmes bientôt derrière nous l'île du Requin, et nous aperçûmes le banc de sable où la baleine était encore. La machine fonctionna si bien que la frêle embarcation semblait danser sur l'eau et que nous nous trouvâmes en assez peu de temps à la hauteur de Prospect Hill. J'avais eu soin de me tenir toujours à 300 pieds environ de la côte pour être sûr de la profondeur et cette distance nous permettait de jouir du charmant coup d'œil du figuier de Falkenhorst et des arbres fruitiers qui croissaient plus loin. Nous remarquâmes aussi, au fond, une ceinture de rochers qui se confondait avec le ciel et s'élevait comme une terrasse de verdure à notre gauche, si belle que nous ne pûmes retenir un soupir à cette vue. Nous longeâmes bientôt l'îlot de la baleine, dont la verdure faisait heureusement diversion à l'uniformité du majestueux mais terrible océan. Je remarquai que du côté de Prospect Hill, il était garni d'arbustes que nous n'avions pas encore vus dans nos précédents voyages. Lorsque nous arrivâmes en face du bois des singes, je fis un tour à droite, j'abordai dans une anse de facile accès et nous sautâmes à terre pour renouveler nos provisions de coco et prendre de jeunes plantes que nous voulions porter dans l'îlot de la baleine. Ce ne fut pas sans un sentiment de plaisir bien vif que nous entendîmes tout à coup, dans le lointain, retentir le chant des coqs et le bêlement des bêtes. Cet accueil nous rappela notre chère patrie où le voyageur, lorsqu'il entend ce bruit, bénit le ciel, sûr de trouver l'hospitalité dans quelques métairies qu'il n'avait point encore aperçues. Nous allâmes, ma femme et moi, chercher quelques jeunes plants de pin dans la forêt, et après une petite heure de repos, nous reprîmes la mer. Nous nous dirigeâmes vers la métairie, et plus nous avancions, plus le chant et le bêlement de nos animaux domestiques devenaient bruyants. J'abordai dans une petite anse, où le rivage était bordé de nombreux mangliers. Nous en arrachâmes plusieurs. J'avais remarqué qu'ils croissaient fort bien dans le sable et je voulais les planter dans le banc de sable même. Nous enveloppâmes soigneusement les racines de feuilles fraîches, puis nous nous dirigeâmes vers la colonie. Tout y était en bon ordre. Seulement les moutons, les chèvres et les poules se mirent à fuir à notre approche. Du reste, leur nombre était considérablement augmenté. Mes petits garçons, qui voulaient du lait pour se rafraîchir, se mirent à la poursuite des chèvres. Mais voyant qu'ils n'avaient aucune chance de succès, ils tirèrent de leur poche leur lasso, qui ne les quittait plus, et en moins de rien, nous reprîmes 3 ou 4 des fugitives. On leur distribua aussitôt une ration de pommes de terre et de sel dont elles parurent fort satisfaites. Mais en échange, elles nous donnèrent plusieurs jattes de lait que nous trouvâmes délicieux. Ma femme, à l'aide d'une poignée de riz et d'avoine, réunit la basse-cour autour d'elle. Elle fit son choix et les prisonniers furent déposés dans le bateau, les pattes et les ailes solidement liées. C'était l'heure du dîner. Comme nous n'avions pas le temps de faire la cuisine, les viandes froides que nous avions apportées firent les frais du repas. Mais la langue de la baleine, qui était servie en grande pompe, fut unanimement déclarée détestable et bonne tout au plus pour des gens privés, depuis longtemps, de viande fraîche. Nous l'abandonnâmes au chacal, le seul de nos animaux domestiques qui nous eût suivis. Puis nous nous hâtâmes de manger quelques harengs et d'avaler plusieurs tasses de lait pour faire passer le maudit goût d'huile rance que ce morceau nous avait laissé. J'abandonnai à ma femme le soin des préparatifs de départ et je m'en allai avec Fritz cueillir quelques paquets de canne à sucre qui croissaient près de là et que je voulais planter aussi dans l'îlot. Bien munis de tout ce qui nous était nécessaire pour la colonisation, nous montâmes dans notre bateau et nous cinglâmes dans la direction du cap de l'espoir trompé afin de pénétrer dans la grande baie et d'examiner l'intérieur. Mais cette fois encore, le cap justifia son nom. La marée descendait et nous trouvâmes devant nous un banc de sable qui s'étendait si loin et qui était si large qu'il arrêta soudain notre expédition. Heureusement, un bon vent nous reporta en pleine mer et nous empêcha de nous perdre sur ce bas-fond. Je déployai la voile. Les rames mécaniques redoublèrent de vitesse et nous reprîmes le chemin de l'îlot. Cependant, mes enfants ne quittèrent pas volontiers ce banc de sable où ils avaient cru reconnaître des lions marins. Il nous avait semblé d'abord apercevoir dans le lointain et à la surface des flots comme un monceau de pierres blanches en désordre. Mais bientôt la masse se divisa en deux. Des cris et des hurlements confus me donnèrent la certitude que c'étaient des êtres vivants. Nous vîmes deux troupes de monstres marins qui ne paraissaient pas en fort bonne intelligence, car ils manœuvraient de front, se provoquaient entre eux et s'entrechoquaient mutuellement. Leur armée me parut respectable et je n'ai pas besoin de dire que nous fîmes voile rapidement pour ne pas laisser à ces dangereux voisins le temps de nous apercevoir. Nous arrivâmes à l'îlot en moitié moins de temps que nous n'en avions mis pour y aller. En touchant à terre, mon premier soin fut de planter les arbustes que nous avions rapportés. Mes enfants, sur l'assistance desquels j'avais compté, me laissèrent pour courir après les coquillages. La bonne mère seule resta pour m'aider. Nous avions à peine commencé que nous vîmes Jack accourir vers nous, tout essoufflé. « Papa, maman !» s'écria-t-il. « Venez, venez, un monstre, sans doute un mammouth, il est sur le sable. » Je ne pus m'empêcher de rire et je lui répondis que son mammouth devait être simplement le squelette de la baleine. « Non, non !» répliqua l'entêté. « Ce ne sont certes pas des arêtes de poisson, mais ce sont bien des os. Puis la mer a déjà emporté la carcasse de la baleine, tandis que mon mammouth est bien plus avancé dans les sables. » Tandis que Jack essayait de me déterminer à le suivre en me tirant par la main, j'entendis soudain crier « Accourez ! Accourez par ici ! Il y a une tortue !» Je courus et je vis Fritz à quelque distance qui agitait un de ses bras autour de sa tête comme pour hâter mon arrivée. Je fus en quelques instants au pied de la colline. Je trouvai en effet mon fils aux prises avec une énorme tortue qu'il retenait par un pied de derrière et qui, malgré tous ses efforts, n'était plus qu'à 10 ou 12 pas de la mer. J'arrivai encore à temps. Je donnai à Fritz l'un des avirons et le passant sous l'animal comme un levier, nous parvînmes à le renverser sur le dos dans le sable où son poids creusa une sorte de fosse qui nous assura ainsi sa possession. Cette bête était d'une grandeur prodigieuse et devait peser au moins 800 livres. Elle n'avait pas moins de 8 pieds à 8 pieds et demi de long. Nous la laissâmes là, car nos forces réunies n'auraient pu la remuer. Cependant, Jack me pressait tellement d'aller voir son mammouth que je résolus de le suivre au grand étonnement de tous mes enfants. Arrivé près du prétendu monstre, je n'eus pas de peine à faire voir au pauvre garçon que son mammouth était exactement la même chose que notre baleine. Je lui montrai la trace de nos pas sur le sable et quelques morceaux de fanon que nous avions négligé d'emporter. « Mais, lui dis-je, qui donc t'a mis dans la tête l'idée du mammouth ?»« Ah, répondit l'enfant confus, c'est monsieur le professeur Ernest qui me l'a soufflé et qui m'a attrapé. Ainsi, sans réflexion, tu crois tout ce qu'on te dit. Tu ne songes pas même à t'enquérir si l'on se moque de toi. Si tu eusses réfléchi, n'aurais-tu pas bien vite compris qu'il n'était guère possible qu'en moins d'un jour, la mer emportât le squelette de la baleine pour mettre celui d'un mammouth justement à la même place ? Jack, c'est vrai, je n'y ai pas encore pensé. Moi, alors pour ta pénitence, tu vas me dire ce que tu sais maintenant du mammouth. Jack, c'est, je crois, une espèce d'animal monstrueux dont les premiers ont été découverts en Sibérie. Moi, bien mon fils, je ne te croyais pas si savant. Ernest t'a bien fait la leçon. J'ajoutai quelques mots sur l'existence encore problématique de cet animal et qui, selon toutes les apparences, n'est qu'une variété perdue de l'espèce des éléphants. Comme nous étions arrivés au soir, nous enveloppâmes de feuilles fraîches les racines des cocotiers et des pins qui nous restaient, renvoyant au jour suivant la fin de cette opération importante. Nous allâmes au rivage et nous restâmes à considérer la tortue. Nous fîmes d'abord avancer le bateau près de l'endroit où elle était. Nous essayâmes de la lever, mais ayant reconnu l'inutilité de nos efforts, nous restâmes tous en silence auprès d'elle. Tout à coup, je m'écriai. « Trouvez, trouvez, c'est cette bête qui nous conduira elle-même à Felsenheim. » Je montai dans la pirogue. Je vidai la tonne d'eau douce que j'avais apportée, et ayant remis la tortue sur ses pieds, nous lui attachâmes la tonne vide sur le dos. J'eus soin en même temps d'attacher à une patte de devant de l'animal une corde fixée à notre bateau, et sans perdre un moment, nous fûmes bientôt dans l'embarcation. Je pris place à l'avant de la pirogue, armée d'une hache et prête à couper la corde aussitôt que notre barque menacerait de s'enfoncer. Mais la tonne retenait la tortue à fleur d'eau, et la pauvre bête ramait si bien que nous accomplîmes notre course avec autant de rapidité que de bonheur. Mes fils, heureux de ce nouvel attelage, le comparaient au char marin du dieu Neptune dans la fable. Je dirigeai la course de la tortue droit vers la baie du salut, en la remenant dans la direction d'un coup de rame dès qu'elle tentait de s'en éloigner, soit à droite, soit à gauche. Nous débarquâmes à l'endroit accoutumé, et notre premier soin, en ramenant la pirogue, fut de fixer la tortue elle-même et de remplacer la tonne vide par des cordes solides qui devaient l'empêcher de s'éloigner. Dès le lendemain matin, son procès fut fait, et son énorme carapace fut destinée à fournir un bassin à la fontaine que nous avions établie dans l'intérieur de la grotte. C'était un superbe morceau. Elle avait au moins 8 pieds de long sur 3 de large. Nous dépeçâmes l'animal de manière à tirer le meilleur parti de son immense dépouille. Je crois pouvoir affirmer qu'elle était de l'espèce qu'on nomme tortue géante ou tortue verte, la plus grosse de toutes les espèces et dont la chair est très estimée des navigateurs. Chapitre 5. Le métier à tisser, les vitres, les paniers, le palanquin, aventure d'Ernest, le boa. Ma femme me demandait depuis longtemps un métier à tisser que l'état de nos vêtements rendait indispensable. Je m'occupais à la satisfaire, et après bien des efforts, je parvins à créer une machine qui, sans être ni gracieuse ni parfaite, pouvait du moins confectionner de la toile. C'était tout ce qu'il nous fallait. Notre provision de farine n'était pas assez considérable pour qu'on l'employât à faire la colle nécessaire au tissage. J'y substituais de la colle de poisson, qui, entre autres avantages, offrait celui de conserver une humidité que n'a pas la colle ordinaire. La colle de poisson me fournit encore des vitrages. J'en pris une certaine quantité que je soumis à l'action d'un feu très vif. Je la laissai bouillir jusqu'à ce qu'elle eût acquis assez de consistance. J'entourai alors une tablette de marbre d'une petite galerie en cire et je vidai sur le marbre la colle bouillante. Quand elle fut un peu refroidie, je coupai mes carreaux de la grandeur désirée et nous obtîmes des vitres transparentes. Elles n'avaient sans doute ni la limpidité du cristal, ni même la pureté du verre, mais elles étaient plus transparentes que les lames de corne qui décorent les lanternes de nos campagnes. Notre admiration pour les chefs-d'œuvre de notre industrie fut sans borne. Encouragé par ces deux premiers succès, je résolus de tenter une nouvelle entreprise. Mes petits cavaliers désiraient des selles et des étriers, et nos bêtes de tir avaient besoin de joues et de colliers. Je me mis à l'œuvre. Je fis apporter les peaux de kangourous et de chiens de mer, et la bourre fut fabriquée avec la mousse d'arbre que nos pigeons nous avaient fait connaître. Je réunissais deux brins ensemble et je les mettais trempés dans l'eau avec un peu de cendre et d'huile de poisson afin qu'elle ne devint pas trop dure en séchant. Cette lessive réussit parfaitement. Quand la mousse fut relevée et séchée, elle avait conservé toute son élasticité, pareille à celle du crin de cheval. Aussi, j'en remplis non seulement les aisselles, mais encore les joues et les colliers. Et ma femme vit avec joie ces nouvelles inventions utiles à ses enfants. Je ne m'en tins pas là, et je me mis à fabriquer des étriers, des sangles, des brides, des courroies de toute façon, quittant à tout moment mon ouvrage pour aller, comme un tailleur, prendre mesure à mes bêtes. Mais ce n'était pas tout d'avoir ainsi fabriqué le joug, car mes pauvres Sturm et Brummer, pour lesquels il était fait, ne se souciaient que fort peu de s'y soumettre, et sans l'anneau que je leur avais passé au nez, et dont je fis un grand usage, tous mes efforts eussent été inutiles. Cependant, je préférais la manière d'atteler des Italiens qui placent le joug sur les épaules à celle qu'on emploie dans notre patrie et qui consiste à placer le joug sur le front et les cornes. Je vis avec plaisir, quand mes prisonniers se mirent à l'ouvrage, que cette méthode était la meilleure. Ces travaux nous retinrent plusieurs jours sans relâche. À cette époque, un banc de harengs, pareil à celui de l'année précédente, vint dans la baie, et nous n'eûmes garde de le laisser passer sans renouveler notre provision, à laquelle nous avions pris grand goût. Les harengs furent suivis de chiens de mer. Nous avions continuellement besoin de leur peau pour nos selles, nos courroies, nos brides, nos étriers, etc. Aussi, nous ne négligeâmes pas cette chasse. Nous en prîmes ou tuâmes 20 à 24 de différentes grosseurs, et après avoir jeté la chair, nous mîmes de côté leur peau, leurs vessies et leurs graisses. Mes enfants demandaient à grands cris une excursion dans l'intérieur du pays, mais je voulus auparavant confectionner des corbeilles qui permissent à ma femme, pendant nos absences continuelles, de recueillir les graines, les fruits, les racines, etc., et de les rapporter facilement au logis. Nous commençâmes par faire provision de baguettes d'un arbrisseau qui croissait en grande quantité sur les rives du ruisseau du Chacal, car je ne voulais pas employer à mes premiers essais les beaux roseaux de mon pauvre Jack. Et nous fîmes bien, car ils furent si grossiers que nous ne pûmes nous empêcher de rire en les considérant. Peu à peu cependant, nous nous perfectionnâmes et je finis par construire une grande corbeille longue et solide, avec deux anses pour aider à la porter. À peine fut-elle terminée que mes enfants résolurent d'en faire une civière. Pour l'essayer, ils passèrent un bambou dans les anses. Jack se plaça devant, Ernest derrière, et ils se mirent à se promener pendant quelque temps de long en large, portant ainsi la corbeille vide. Mais ils s'ennuyèrent bientôt de ce manège. Ils disposèrent, bon gré mal gré, leur jeune frère Franz dans la corbeille, et ils se mirent ensuite à courir en poussant des cris de joie. « Ah !» dit Fritz à ce spectacle. « Mon cher papa, si nous en faisions une litière pour que ma mère pût nous suivre dans nos excursions !» Tous mes enfants s'écrièrent. « Oh oui, papa, une litière, ce sera excellent quand l'un de nous sera fatigué ou malade. » Ma femme, « Bien, mes enfants, pour vous et pour moi, mais ce serait une chose assez comique que de me voir assise comme une princesse au milieu de vous sur une corbeille dont les bords pourraient à peine me contenir. » Moi, un moment donc, nous ferions un ouvrage capable de te porter. Fritz, certainement, n'est-ce pas, mon père, comme les palanquins dont on se sert dans les Indes. Ernest, et qui sont portés par des esclaves, merci, je ne suis pas trop disposée à ce métier. Ma femme, sois tranquille, mon cher Ernest, je ne veux pas de vous pour esclave ni pour porteur. Il ne faudrait pas m'élever bien haut, car je serai bientôt à terre. Je ne monterai dans cette corbeille que quand vous m'aurez trouvé des porteurs dont les jambes soient plus solides que les vôtres. Jack, eh bien, mon Sturm et le Brummer de Franz en ont-ils d'assez fortes pour rassurer maman ? Moi, bien, bien, c'est là une bonne pensée, étourdi. Nous avons là deux excellents porteurs pour le palanquin. Ernest, comme ma mère sera bien dans son palanquin, nous pourrions y faire un toit avec des rideaux derrière lesquels elle pourrait se cacher quand elle voudrait. Jack, mais essayons d'abord avec la corbeille afin de voir si cela réussira. Franz et moi nous conduirons. Je souris de l'empressement avec lequel les enfants avaient adopté cette idée nouvelle et j'y consentis volontiers. Nous fîmes donc retentir nos trompes pour rappeler notre bétail qui paissait et nous vîmes bientôt accourir nos animaux. Ils furent en harnachés. Jack sauta sur son shtourm, placé à l'avant-train, et Franz resta derrière avec Brummer. Quant à Ernest, il monta dans la corbeille qui pendait paisiblement entre les deux animaux. Ils se mirent en marche au petit pas, n'étant pas encore habitués à ce nouveau manège, et Ernest assurait que rien n'était meilleur que cette litière où l'on était doucement ballotté sans fatigue. Mais bientôt les deux conducteurs mirent leur bête au galop, et le pauvre Ernest, rudement secoué, se mit à crier à ses frères d'arrêter. Mais ce fut en vain. Les porteurs n'en continuèrent pas moins à pousser leur monture. Quant à nous qui regardions ce spectacle, la mine du pauvre Ernest, qui ne courait au reste aucun danger, nous paraissait si drôle que nous n'essayâmes pas de le secourir. Les polissons galopèrent jusqu'à la rivière du Chacal et revinrent vers nous sans s'arrêter. Aussi l'on conçoit facilement la colère d'Ernest quand il sortit de sa litière. Jeté hors des gonds par cette promenade forcée, il n'allait probablement pas se contenter de paroles quand j'arrivai à temps pour m'interposer. Ernest se calma peu à peu, et je le vis même aider son frère Jack à dételer les animaux pour leur rendre la liberté. Avant de les laisser partir, il alla aussi chercher du sel et en donna une poignée à chacune des pauvres bêtes. Cette marque de bon caractère me fit beaucoup de plaisir. Nous nous remîmes alors à notre travail de vanier, et nous tressions depuis quelque temps en silence quand Fritz se leva soudain comme un homme effrayé. « Oh, mon père !» dit-il. « Voyez donc dans la venue de Falkenhorst ce nuage de poussière. Il doit être produit par quelque animal de forte taille, à en juger par son épaisseur. Et de plus, il vient droit vers nous. » « Ma foi, lui répondis-je sans trop m'inquiéter, car je découvrais peu encore ce nuage que les yeux d'aigle de Fritz avaient aperçu. Je ne sais ce que cela peut être, car nos gros animaux sont maintenant à l'écurie. Ma femme, ce sont sans doute quelques-uns des moutons, ou peut-être même notre vilaine truie qui fait encore des siennes. Fritz, non, non, j'aperçois fort bien les mouvements de cet animal. Tantôt il se dresse comme un mât, tantôt il s'arrête, marche ou glisse, sans que je puisse distinguer aucun de ses membres. » Effrayés de cette description dont nos faibles yeux ne nous permettaient pas de juger la vérité, nous ne savions trop à quoi nous en tenir. Je pris alors ma longue-vue, et au moment où je la dirigeais vers ce côté, j'entendis Fritz crier. « Mon père, je le vois distinctement maintenant. Son corps est d'une couleur verdâtre. Que pensez-vous de cela ?»« Moi. Fuyons, fuyons, mes enfants. Allons nous réfugier dans le fond de notre grotte, et fermons-en bien les ouvertures. » « Fritz, pourquoi donc ?»« Moi. Parce que je suis certain que c'est un serpent monstrueux qui s'avance vers nous. » Nous nous hâtâmes de revenir au logis et nous fîmes toutes nos dispositions pour la défense. Les fusils furent chargés, la poudre et le plomb versés dans les poudrières. Plus le terrible animal avançait, plus je me confirmais dans l'idée que c'était un boa. Ce que j'avais entendu raconter de la force de ces animaux m'effrayait extrêmement et je ne savais quel moyen mettre en usage pour l'empêcher de parvenir jusqu'à nous. Il était trop tard pour retirer les planches de notre pont. Il fallait donc se résigner à attendre qu'il fût à portée pour essayer de nous en défaire à coups de fusil. L'animal, cependant, arriva près du pont et, comme s'il eût senti une proie de notre côté, se dirigea après quelques hésitations droit vers la grotte. Nous étions montés dans le colombier pour observer ses mouvements. Il était à peine à 30 pas de nous quand Ernest, plus par un sentiment de peur que par désir de le tuer, lui lâcha son coup de fusil. Ce fut le signal d'une décharge générale, du moins de la part de Jack, de Franz et de ma femme, qui s'étaient aussi munis d'un fusil. Mais les coups étaient mal dirigés, et les balles s'étaient perdues ou n'avaient rien fait sur l'écaille du monstre, car il se détourna et se mit à fuir. Fritz et moi, qui avions gardé nos coups, nous fîmes feu alors, mais sans montrer plus de bonheur ou d'adresse, car le boa redoubla de vitesse et courut avec une célérité prodigieuse s'enfoncer dans le marais où Jack avait manqué de perdre la vie et disparut bientôt, caché par les roseaux qui le couvraient. Nous commençâmes à respirer et l'on se mit à discourir sur les formes effrayantes de ce terrible ennemi. La peur en avait grandi les proportions à tous les yeux. On n'était pas même d'accord sur les couleurs de la robe. Pour moi, j'étais dans la plus grande perplexité, ne sachant comment connaître la retraite du boa ni avertir mes enfants de son approche. Je me creusais la tête pour trouver un moyen de le tuer. Il ne fallait pas songer à nous exposer en rase campagne contre un pareil ennemi, car nos forces réunies nous auraient été d'un bien faible secours. Aussi je défendis, jusqu'à nouvel ordre, de sortir de la grotte sans ma permission expresse, et j'eus toujours soin d'avoir quelqu'un l'œil au guet pour tâcher de connaître les mouvements du boa.